L'espéranto. Ah, ah oui, l'espéranto, oui, oui, mais ça n'a pas fonctionné très très bien. Si tu étais, mon cher Carton, une époque. Mon cher Carton, c'est la première fois que tu me dis ça. Oui, ça mon y cher on commence Carton. À se connaître. Oui, ben là, écoute, une époque, celle-là. 2011. Ouais, ouais, ouais, en plein dedans, là, ouais, okay. Ouais. Toi, tu regrettes rien, tu te sens à l'aise non. Dans cette... Non, après, je dis yes futur, point d'interrogation, parce que je sais pas. Là, pour le moment, ça peut aller, quoi. J'arrive encore, ça va, on s'exprime, on joue. Mais je crains, c'est bien, là, en ce moment, mais je crains après, un peu, quand même. OK. Alors, oui, mais c'est fragile. Oui, mais on a toujours craint après, ça va, ça oh, tourne, ouais, ça ouais, va, voilà. Mais ouais. C'est l'environnement, la Terre, on se demande si ça va pas exploser, toutes les conneries, là. Ouais. Entre le nucléaire et tout ça, c'est là. Vrai. Moi, les années 70, parce que j'étais trop môme. Pour la musique? Ouais, tout. Le oui, sexe. T'as raison. Le sexe, pourquoi le sexe aujourd'hui, c'est tout ce que c'était. Okay. Ben voilà. Ouais. Sexe, drogue et rock'n'roll. Voilà, parce que je voyais ma soeur qui était plus grande et qui avait elle était avec des barbus. Ah oui, ok. Et moi, j'étais là et je suis arrivé trop tard, là. Ça commençait à être fini, voilà. C'est vrai. Et voilà, bon, c'est trop tard. C'est vrai qu'avant qu'il y ait cette période sida et tout ça, il y avait une certaine liberté déjà. Tu vois, qui n'est plus, même je vois dans le sud, à Apt, le groupe s'est formé là-bas parce qu'il y avait des gens partout, il y avait des fermes, on se retrouvait le matin au café, on jouait, le soir tu viens habiter là, maintenant toutes les fermes sont prises par des gens très riches, il y a des clôtures, tu peux plus habiter où on est, donc, tu peux plus louer, quoi. C'est dur de trouver un... Et cette liberté aussi, oui, voilà. C'est là que ça a commencé. C'est allé très loin. On pouvait se tromper, voilà. On pouvait tout s'offrir. Voilà. Moi, je dis maintenant, parce que je pense au groupe, c'est là où je me sens mieux dans Aoul Petit qu'avant presque, tu vois. Peut-être parce que j'ai plus de maturité scéniquement, parce que... Tu te sens à l'aise. Oui, les morceaux, on est plus là, on est plus à l'aise, voilà. C'est moins le bordel qu'avant. Si tu ça a toujours été bien, il y a eu de très bons concerts. Hein, mais... Mais tu regrettes rien, comme disait... Voilà, là, je me sens assez fort dans ce groupe-là. Et si tu étais un mot? Un mot? Un mot? Carton. Et toi, Marcus? Papier. Un mot. Apaisé. Apaisé. Ah. Lui, il a le bac littéraire, hein, c'est pour ça. Ben oui, apaisé, c'est beau, hein. Oui, la belle consonance. Ouais, c'est peace and love. Si tu étais un aliment. Un aliment? De l'eau. De l'eau? Oh, toujours de l'eau. Ah non, c'est lui l'eau. Ah oui, c'est ça, mais il y a comme... Moi, je bois plus d'alcool, j'ai plus le droit, donc je dis de l'eau. Ok, oui, c'est mieux. Un aliment? Oui. Ah, c'est pas de l'eau, un non, aliment. Ben ah. Non. Ah, un aliment? Vas-y. Une salade. Une salade. Pourquoi tu riais? Parce que je pensais une carotte, un concombre, et ça m'a fait penser à l'histoire de concombre d'Allemagne qui avait un problème. Vas-y. Qui était présumé innocent, et dans Charlie Hebdo, il y avait des SK et un concombre à côté. Ils étaient deux présumés innocents. Voilà, c'est tout. Oui, c'est fort, c'est très fort. Et voilà, c'était fort. Oui. Et toi? Noix de Saint-Jacques. Oh, c'est précis, hein? Ouais, ben j'adore ça. Okay. En ce moment, c'est juste ça. Ah, il aurait pu te dire une andouillette, mais bon, il t'a dit une noix de Saint-Jacques. C'est que sur l'autoroute. Ah, c'est que sur l'autoroute, ouais, elles sont pires que jamais, les andouillettes. On mange souvent sur l'autoroute. Ok, et c'est ça. C'est pas génial, moi. Et toi, Carton, si tu étais une saison? Ah, une saison? Ah, oh là, l'été. Toi, pour toi, c'est l'été. Ah ouais, c'est là que je veux ça, tout le monde, oui, les concerts en plein air, Les chapeaux qui s'envolent au vent, les trucs. Le vin, ouais, les jeux pour Marilyn Monroe. Voilà. Et toi? Mais moi, pareil. Moi, j'ai un gars du midi. Mais ouais, c'est, voilà. Moi, je peux pas. Moi. Si c'est pas l'été, à l'été, c'est toi, tout le monde se déshabille, tout le monde bronze et la piscine et la mer. Voilà. Alors, l'hiver au Québec, c'est. Les corps se libèrent. Non, c'est bien. Ah, l'hiver, ouais. Ah, ouais, mais moi, j'aime bien. Moi, j'ai appris le ski très tard. En fait, la neige, j'ai appris ça très tard. Et j'ai vachement apprécié. Et non, très bien, mais au contraire, parce que l'été, tout le temps, tu te fais chier, c'est comme le même dessert toute sa vie. Hein. Oui, c'est vrai. Et si tu étais, mon cher Carton, un membre corporel? Un nez. Un nez? Et pourquoi? Pour sentir humé. Humé la bonne humeur. OK. Tu crois que ça va, ça? Ah, c'est merveilleux. Vas-y, essaie de trouver mieux, toi, vas-y. Moi, ça va être simple. J'ai pas dit une bite, hein, j'ai dit un nez, les Raoul. Ça passe un cheveu. Hein, ça passe un cheveu, j'ai senti. Mais je t'ai dit, j'étais dans les cheveux, mon père était coiffeur. Oh oui, effectivement. Cheveux. Bon, parfait. Moi, ouais, le sexe, moi. C'est, okay. C'est, le sexe, ça rassemble l'interdit, le plaisir, la procréation, enfin tout, il y a tout. On peut le manger. Oh. Bah oui, lui, tu sais, quand tu prends ta guitare, c'est un peu le manche. Ça, hein. Faire, ouais, moi, c'est le micro que je me fous dans la bouche. Là, ça fait un peu... Puis gros. Les électrocutions sont faites... Oui. Bah oui. Si tu étais un membre de la journée... Un membre de la... Si tu étais un moment de la journée, excuse. Un moment de la journée. À la fraîche, 5 heures. On était là, 5-6 heures, voilà. 17 heures ou 5 heures? 17 heures. Ok, 17 heures, ok. Ah, lever du soleil, c'est pas mal non plus. Hein. Ok. Bon, mais 17 heures, allez. Et tu enlèves tôt? Non, pas spécialement. Ok. Ça dépend. 8h30, ça dépend si je m'occupe des chevaux ou si c'est ma copine, on se relaye. Ok. Et toi? Ah oui. Oui, là. Non, non, c'est tout. Non, non, je pensais à Raoul, mais Raoul, on se lève, on joue pas tôt le matin. Non. Non, non. Non, ça va à 5h, 5-6 heures. C'est l'heure où on fait la balance, on commence à faire de la musique sur scène. On se prépare. On se prépare. Et toi? Alors moi, c'est vers 4-5 heures du matin quand tous les gens se relâchent. C'est terminé? Non, au contraire, quand ça commence. Ah oui, ok. Voilà. Ben, vers ces horaires-là, j'aime beaucoup. Voilà. Ben. Et si tu étais un autre individu, mon carton? Ah. Un autre individu? Un cheval? Ah non, c'est pas un individu, si. Ben oui, un autre individu, oui, pourquoi pas. Oui, un cheval, ouais. Des fois, je le fais sur scène. Ouais, wow, quand il joue au galop. Wow. Parce que tu trouves que le cheval, c'est un signe de liberté, un signe de... Ouais. Une beauté. T'es dessus, tu vois loin, tu vas... Voilà, ouais, c'est... Ouais, ouais. Et toi? Très... L'évasion. L'évasion, la liberté. La liberté, les animaux, voilà, la nature, le... la bête entre les jambes, c'est quand même mieux qu'une 1600 cylindrée. Oui. Là, c'est le vrai cheval, plutôt. C'est vrai. Voilà. Et dans les deux... Faut savoir l'arrêter, quoi, c'est tout. Quoi, la cylindrée ou le cheval? Non, le cheval. Ok, oui, c'est vrai. Mais sinon, s'il se bloque d'un coup, c'est bien, comme ça, hop, je plane et je slame dans le public. Mais Raoul Petit et le cheval... Carton et le cheval, il y a un lien en commun, c'est le foin. Le groin? Le foin. Le foin. Je fous du foin. Le cheval veut du foin et tu veux du foin. Ah, le foin, c'est l'argent, toi. Ah, ouais. Oh, non, tu sais, pour le moment, le foin. Oui. Ah non, je savais pas. Ah, ben oui, le foin, l'argent. Ouais, le foin. Ouais, d'accord. Et toi? Qu'est-ce que c'était la question? Un animal. Si c'était. Oui. Non, si tu étais un autre individu. Un autre individu. Ah, ouais, alors. C'est pour faire plaisir à ma mère, vraiment. Ben oui, alors c'est ta mère. Elle m'a bien bassiné parce qu'elle rêvait d'un fils rugbyman. Ah ouais? Très costaud, excuse-moi, j'étais le contraire. Ah non, mais il y a le cheval là-dedans. Okay. Et voilà, et en fait, voilà, comme elle est décédée en janvier, alors voilà, et donc pour lui faire plaisir, j'aurais été un rugbyman, un homme sur qui l'on peut compter. Et surtout, une mère heureuse de voir son fils performer. Voilà. Ouais. Ah bah elle l'a vu quand même. Oui, mais pas rugbyman. Ah non. C'est l'image du rugby. Oui, c'est ça. Ou on pourrait dire chez vous un bon bûcheron. Un bûcheron, oui, voilà. Québécois, oui, un bûcheron. Voilà. Ouais. Eh bien, merci mes amis, les Raoul Petit, d'être venus à mon émission. Et surtout, j'espère qu'un jour, on se reverra à Québec. Ben oui. Ben, il faut. Oui, absolument. Ben oui, obligé. Alors, on va demander à des tourneurs de... On peut voir sur toi, ouais. Oui, il n'y a pas de problème. L'émission est diffusée pendant... on va faire pendant un mois et demi, on consacre à Raoul Petit. Un mois et demi? Pendant un mois et demi, on consacre mon émission. C'est-à-dire que... Ça ne va pas vous fatiguer, non? Ah, pas du tout, parce que c'est des brides d'émissions que je propose. Aux gens qui nous écoutent à CKRL, c'est la plus vieille radio francophone au monde. Plus vieille radio communautaire francophone au monde. Alors donc, ici, la radio libre est arrivée en 77, de 77 à 79. D'accord. Les Français, les Russes et les Belges sont venus chez nous pour vérifier comment on faisait. Ils sont repartis ici pour refaire ce que nous, on diffusait à l'antenne. D'accord. Avant tout le monde. Les premières radios libres et tout ça. Et c'est celle-là, la première radio libre au monde. Et c'est ton père qui l'a fait ou ton grand-père alors? Non, c'est pas de famille. Non, non, c'est aucun lien familial. Donc, je ne suis pas tombé dedans quand je suis. Non. Ben, merci. Bon, merci, ben ouais, Renat, ben ouais, ça fait merci, drôle, Marcus. Ça s'arrête d'un coup. Hein. Ben, on peut continuer. Et pourquoi il y en a deux? Ben, ça, c'est ben mon nous, côté. On va prendre le train. C'est le safety, non? En fait, non, l'incertitude de l'animateur. S'il y a un flanche, l'autre est là. Et voilà. C'est comme deux frères. Alors, un flanche, il n'y a pas de problème, il y en a deux. Ça, c'est bien. Oui. Souvent, on nous fait des interviews et le mec, ah ben, j'avais pas de pile, j'avais pas voilà. vu, là, tu vois. Ben, moi, j'ai même la machine qui fonctionne la pile. Et si les piles fonctionnent, si les piles arrêtent, il y a un autre qui fonctionne. Ça, c'est le côté. Ah oui, ça, le c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, ça, ouais, ouais, ouais. Là, nous, on est loin, nous, c'est un petit pays d'Europe. Non, mais c'est le paranoïaque. C'est les Gaulois encore, nous, tu vois. Ben, bon, non, moi, je suis la révolution, c'est en 1789, oui. Et on n'a toujours pas le mariage homosexuel, t'imagines? Alors que Napoléon et Louis XVI, je suis sûr qu'ils couchent ensemble. Mais fais-toi-en pas, ça prend pas juste ça pour être bon, heureux. Voilà. Hein? C'est, nous, on est en retard. C'est quand on se marie que ça commence à diminuer. Oui, oui non, t'as raison, on va pas se marier. Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est par rapport aux impôts. Mais ils nous ont eu, ils nous font croire qu'en se mariant, on aura fait de l'arnaque. Non, nous, on s'est jamais marié, on n'est pas con. On va pas proposer, on va pas obliger les gens à faire des trucs qu'on veut pas nous, qu'on fait pas nous. Ah, bah oui, oui, mais s'ils ont envie, eux. C'est une reconnaissance, disons. Mais non, mais moi-même, si on mettait une loi, enfin, moi-même, le couple hétéro, je trouve ça complètement contre oui, marié. Alors après que ça soit possible, je suis d'accord. Là, au contraire, ça c'est vraiment, il faut le faire. Mais alors, je trouvais ça. Mais nous mettrons pas nos noms en bas d'un parchemin. Ça c'est Brassens, ouais, ouais, ouais, on ouais, demande ouais. en mariage. Oui, oui, bah voilà. Hein. Non, mais c'est le droit, on est les enfants de Brassens, t'as compris. Oui, oui, effectivement. Si on avait pu, on se serait appelé Georges Petit. Georges Petit, mais d'être des bofs en fait. Quoi. Ouais. D'être des bofs comme les autres. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Et Raoul Petit, ça vient de l'album 200 Motels, où les musiciens sont un peu crevés. De Frank Zappa. Ils sont un peu stone de Frank Zappa, 200 Motels. Et à un moment, il dit, John, ils ont road fatigue, ouais. La fatigue de la tournée, road fatigue. Nous, on a entendu Raoul Petit, road fatigue. Okay, c'est et voilà, oui, un peu stone, un peu bourré, LSD. Schizophrénie, oui, Normandie, okay. Trop de calva. Oui, voilà. Mais c'est la France. Et c'est parti, Raoul Petit. Et le lendemain, c'était bonjour Monsieur Raoul, en répétition, bonjour Monsieur Petit. Et on nous a dit, il faut un nom, et on a fait Raoul Petit, et voilà. Et depuis 32 ans, vous gagnez. Et ouais, alors les gens m'appellent Raoul, tu vois, quand même. Et il y en a que maintenant, c'est carton. Oh, Raoul, voilà, c'est bon. Les Raoul Petit, on dit. Ben oui, oui, c'est au pluriel. Voilà. Voilà. Il y a parce deux que petits. Vous êtes une organisation. Oui, oui, une organisation communiste. Non, même si on est tous payés pareil. Ben oui. Et on s'habille en rouge. C'est son père qui était communiste. Okay. Le mien, il aimait De Gaulle. Non, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas la notion de groupe. C'est, ouais. En France, c'est le chanteur. Il n'y a pas la culture du groupe. Il y a eu quelques groupes, bon, voilà. Mais avant tout, il y a le chanteur. Voilà, et c'est toujours ça, quoi. Voilà, le chanteur. Et c'est pour ça qu'on t'appelle Raoul à toi. Ils ont voilà. Les Rita Mitsuko, il l'appelait Rita. Non, je crois qu'elle était plus connue. Mais elle a eu une autre carrière avant, donc. Ah, mais attention, tu connais pas l'histoire. Oui. Raconte l'histoire d'Erita, l'Erita contre Raoul. Ah oui, on avait fait le prix de la FNAC au Zénith. Et c'était à l'applaudimètre et ils étaient là. Il y avait un mec qui chantait Macumba, là, qui s'est fait huer, ouais. Qui a pris des canettes. Ouais. Nous, Madère. L'applaudimètre Madère, la sauce Madère, pareil, là. Ouais, non, il le mec, Madère. L'applaudimètre, nous, ça montait. Le mec qui faisait partie d'une maison de disques avec l'Erita Mitsuko, c'était un peu plus bas. Donc nous, il a fait refaire l'applaudimètre. Le mec, il s'est pris des canettes. Raoul, l'applaudimètre avec Raoul. Mon manager, il m'a dit, carton, on gagnait un prix de 50 000 francs. Et nous, on gardait ça pour faire le Casino de Paris, monter un spectacle. Avec Raoul, on n'a jamais de fric, c'est toujours réinvesti. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait le maçon, parce que j'aurais jamais de fric. À chaque fois, on réinvestit. Ouais. Et bon. Et du coup, on a refait l'applaudimètre. Manager m'a dit, si on gagne, tu auras 10%, carton. C'est fou, cette histoire de machin. Et moi, je dis avec l'Erita, qu'est-ce que tu veux, il y a le tube, Marcia Bella, il venait de sortir. Et du coup, nous, l'applaudimètre, il a carrément écrasé. Je sais pas s'il n'a pas explosé. Non, il n'a pas explosé. Mais on a gagné ce prix de la FNAC. Oh. Et il y avait Catherine qui était là avec Fred Chichin. Et eux, ça décollait. Ils partaient en avion juste après. Et ils me disent, tant mieux pour vous. Nous, ça y est, c'est parti. On n'a pas besoin de cet argent. Félicitations. Oh, bon bravo. Casino de Paris. Et voilà. À quelle année 86 peut-être, voilà. Oui, nous comprenons. Où Raoul, ça marchait, il y avait l'album Bananas, il y avait les clips qui passaient à la télé, tu vois, il y avait le Casino de Paris qu'on devait faire, donc on avait déjà fait l'Olympia, on devait faire, voilà, il y avait un spectacle. Alors, et on avait battu, voilà. Les Raoul Petit ont été plus forts que les Rita Mitsuko. En live. Ah oui, en spectacle. Nous, oui. C'était en live, c'était pas en... Nous, c'était en live, ouais. Voilà. Et eux, je sais pas s'il y avait pas un peu de playback dans leur truc. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché, ils étaient pressés, ouais, là, ça ne l'a pas fait, là. Ok, et vous étiez en direct, c'est-à-dire aucune tricherie. Ah, aucune tricherie. Voilà. Voilà, même moi, quand je changeais de costume, si j'allais dans les loges avec mon HF, maintenant, je ne prends plus de HF. Ok. Et je revenais sur scène, mon micro, il n'était pas là, où j'allais vite pisser. Oh. Okay. Dans, comme ça arrive à l'Olympia, je vais vite pisser et on entend la chasse d'eau dans tout le public. Hey, okay. Parce c'est que j'ai oublié mon truc là-bas. C'est chic, c'est chic. Et du coup, on m'a dit, carton, c'est fini. Ton truc, il va tomber au fond du trou, il va falloir, voilà. Oh, ok. Oui, non, bon, attends, je t'en raconte encore plus, on en finit. Entendre glou, glou, glou en spectacle, c'est... Voilà, il y avait une histoire de chasse d'eau dans un morceau Gare du Nord sur le Québec. Maman, ça y est, aux toilettes. Les toilettes étaient de très grande propreté, il y avait un truc comme ça. Où il y a une chasse d'eau vraiment dans un album. Ah oui, ben c'est bien. Dans le premier. Alors ça montre la propreté du groupe Raoul Petit. La chasse d'eau est tirée. Voilà. Tout est propre. La chasse d'eau est tirée. Voilà. L'homme est content. Et la femme est heureuse. La femme est heureuse, la cuvette est propre. Voilà. Ben, quand la femme est heureuse, la cuvette est propre. Voilà. Voilà. Rien à signer. Bon, je ne sais pas où on va aller. On va se quitter maintenant oui, hein, parce que non, on se quittera c'est jamais. C'est du beau délire. Voilà, faut qu'on non, on se parle plus. C'est du beau délire. Alors, carton, oui, alors carton. C'est du flagrant délire. À Québec. À Québec. Et je t'inviterai à CKRL et on fera. Toi, t'es à Québec, t'es pas à Montréal. Non, je suis Québec-Québec. Québec. Québec. Oh, ben, tu vas, je vais aller sur ton site en rentrant. Là. Ah oui, ben. Je vais voir ta gueule à la maison, je vais montrer. Oui, ma chérie, oui. As-tu vu quelle horreur? Non, faut pas. Je t'ai reconnu en plus. T'as les mêmes lunettes qu'à la télé. Non, c'est. Mais t'es plus beau qu'à la télé. Ah, t'es bien gentil, mais il n'y aura pas de. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça, oui, on te l'a dit à l'oreillette, hein. Gagné, dit... putain! Ouais, ouais. On a gagné, les gars! Ouais, c'est ça, on va gratter encore! On va gratter, là! Ah oui, t'es un gratteur! On appelle ça des gratteux chez nous! Putain, je vais m'en faire des bons pétards, moi! Ouais, c'est ça! Mais non, faut pas! Ah non, alors! Non, bah, quelle honte! C'est de la classe! C'est non, vrai. Mais en plus, ça fait. Ça donne plus de sensations avec ce genre de. Avec l'encre, ouais. Utilisée. Là, je vois pas, c'est un truc, là! Ah, mais là, tu regarderas, c'est... D'accord. Ah, ben, je les ai. Non, mais tu regarderas ça je chez toi. Chez moi. Oui, ou dans le train. Dans le train, voilà. Tu pas tout voir. De suite. Non. Je vais découvrir quelque La chose. La révélation t'arrivera. D'accord. OK, on s'en reparle. Et, hein, merci, Raoul. Bon, merci Reynald. Merci. Allez. Attends, on paye, t'inquiète pas. Ouais. Non, je m'en occupe. Ah, t'as des dollars canadiens? Non, j'ai des francs. T'as qu'à payer, tu me donnes la note de frais, je me la fais rembourser, tiens. Ben là, j'ai rien. Non, je déconne. C'est vrai, tu déconnes pas? Oui, non, ça fait plaisir. Bon, bonne fin de journée. Salut, mon pote. Et merci beaucoup. Hein. Mais il faut que j'aille pisser, je vais aux toilettes. Moi aussi. Je te laisse là, s'il y a un problème, t'appelles. Carton! Oui, parfait. Tiens là.